Alors, je tiens à remercier Alexandre Maral et Mathieu Davina de me donner aujourd'hui la parole. Ça fait quelque temps que je n'avais pas eu l'occasion de m'exprimer devant les amis du château de Versailles. Merci beaucoup à vous d'être venus et de vous intéresser à Hevelius, qui est donc un astronome polonais du XVIIe siècle, qui n'est pas très connu en France. La particularité de cette correspondance, c'est qu'elle est entièrement à Paris. Elle a été rapportée au XVIIIe siècle en France, à l'Observatoire de Paris et à la Bibliothèque nationale, et que d'autre part, il s'agit de la dernière grande correspondance astronomique de la révolution scientifique du XVIIe siècle, encore inédite. Alors, je dirige cette entreprise avec des collègues polonais. D'ailleurs, c'est dans le cadre de deux journées, la seconde ayant lieu rue Lauriston à l'Académie polonaise des sciences à Paris, qui est une journée de travail pour la publication des tomes suivants. C'est dans ce cadre-là que donc cette conférence est organisée. Et je présenterai donc une intervention qui est l'objet de ce second volume sur le problème du financement de la recherche, qui est un problème aujourd'hui, qui est un problème d'actualité, puisque vous savez que les États renoncent de plus en plus à investir dans la recherche au profit de fondations privées. Et que la tradition française, contrairement aux traditions anglo-saxonnes, était une tradition, je dirais, de fonds publics et qui a été mise en place à l'époque de Colbert, qui marque une première grande période pour la recherche française, mais pas seulement, européenne aussi, puisque notre astronome de Danzig a émargé sur les fonds des bâtiments du roi pendant plusieurs années. Alors, l'intermédiaire clé est Jean Chapelain, et je voudrais commencer par un portrait de Jean Chapelain. Chapelain, je vous montre quand même son visage. Chapelain était appelé par quelques académiciens le chevalier de l'ordre de l'araignée, parce qu'il avait un habit si rapiécé et si recousu que le fil formait dessus comme une représentation de cet animal. Étant un jour chez Monsieur le Prince, où il y avait une grande assemblée, il vint à tomber du lambris une araignée qui étonna la compagnie par sa grosseur. On crut qu'elle ne pouvait venir de sa maison parce que tout était d'une grande propreté. Aussitôt, toutes les dames se mirent à dire d'une commune voix qu'elle ne pouvait sortir que de la perruque de Monsieur Chapelain, ce qui se pouvait bien être puisqu'il n'avait jamais eu qu'une seule perruque. Chapelain, à l'avarice, joignait la malpropreté. Balzac comptait qu'ayant été 10 ans sans le voir parce qu'il s'était brouillé, il se raccommoda avec lui et que l'étant allé visiter, il se trouva dans sa chambre où il aperçut une même toile d'araignée qui la traversait et qu'il avait vue avant que d'être brouillé avec lui. Chapelain, pour épargner ses serviettes, avait un balai de jonc sur lequel il s'essuyait les mains. Et je continue. Après, ce sera plus sérieux, n'ayez crainte. Ça vient du dictionnaire des Annas, qui a été publié au XVIIIe siècle. Donc, ce sont des bons mots recueillis du XVIIe, des contemporains. Donc, je continue un tout petit peu. Chapelain s'était mis en pension chez son héritier. Et quand il dînait ou soupait en ville, il rabattait tant par repas sur sa pension. Dans la maladie dont il mourut, il avait chez lui 50 000 écus comptants. Et le divertissement qu'il prenait de temps en temps était de faire ouvrir son coffre fort qui était près de son lit et de faire apporter tous ses sacs pour faire voir son argent. Le jour qu'il mourut, tous ses sacs étaient encore rangés autour de lui. Un savant dit à monsieur de Valois : vous saurez, monsieur, que notre ami Chapelain vient de mourir comme un meunier au milieu de ses sacs. Moréri, dans son grand dictionnaire, le présente comme un homme de pouvoir. Je cite Moréri. A vécu sous les ministères des cardinaux de Richelieu et Mazarin avec une si grande réputation qu'on disait communément de lui que les muses françaises avaient trouvé en sa personne leur consolation et une réparation avantageuse de la perte de Malherbe. Il serait encore dans la même réputation où il était alors s'il se fût contenté de faire cette belle ode au cardinal de Richelieu que tous les maîtres de l'art ont admirée. Mais le poème de la Pucelle qu'il mit au jour et qu'il avait été 30 ans à composer ou à promettre, qu'il devait tant pour son honneur promettre toujours, fit échouer toute sa réputation poétique. Monsieur Chapelain était de l'Académie française, homme de probité et assez bon critique, mais médiocre poète. Il eut la principale part à la critique de l'Académie française faite à la tragicomédie du Cid. Et quand le roi Louis XIV eut résolu de faire des gratifications aux gens de lettres, Monsieur Colbert chargea Chapelain de faire la liste de ceux que leur mérite rendait digne des bienfaits de sa majesté. Cette commission fit beaucoup d'honneur à Chapelain et lui attira les respects intéressés d'une infinité d'auteurs de toute espèce qui briguaient sa faveur. Et pour conclure, un rapide aperçu, cette fois-ci de Voltaire, dans le siècle de Louis XIV, Chapelain Jean, né en 1595, sans la pucelle, il aurait eu de la réputation, parmi les gens de lettres. Ce mauvais poème lui valut beaucoup plus que l'Iliade à Homère. Chapelain fut pourtant utile par sa littérature, ce fut lui qui corrigea les premiers vers de Racine, il commença par être l'oracle des auteurs et finit par en être l'opprobre. Mort en 1674. Voici le frontispice de la Pucelle, donc de Claude Vignon, gravé par Abraham Bosse, un poème qu'il a mis près de 30 ans à écrire et dont les mauvaises langues disaient, vous avez compris qu'elles étaient nombreuses, comme tous les hommes liés au pouvoir, Chapelain l'avait dédié au duc de Longueville parce qu'il lui versait, un des descendants lointains des compagnons de Jeanne d'Arc, qui lui versait une pension de 2000 livres par mois et que s'il avait mis 30 ans à le faire, c'était pour toucher sa pension plus longtemps. Alors, qui fut Jean Chapelain ? La biographie de Georges Colosse, la dernière en date, publiée en 1911, n'a pas empêché les historiens de regarder avec une ironie méprisante le grand prêtre du culte de Louis XIV. Ni les historiens de la littérature, d'ailleurs, de condamner sans procès ce poète laborieux. Christian Jouhaud reconnaît qu'il joua toutefois un rôle central, je le cite, « fort déconsidéré après sa mort, tourné en ridicule pour sa pucelle, un poème épique long de 30 000 vers, Jean Chapelain avait pourtant de son vivant connu une carrière éclatante. Il avait exercé une sorte de leadership dans le monde social des écrivains. Poète, théoricien de la littérature, académicien, figure éminente de l'hôtel de Rambouillet, consulté par Richelieu et par Mazarin, puis par Colbert, fort riche, fort écouté, courtisé, il avait été, au plein sens du terme, une autorité. Alors, après avoir servi Richelieu, Chapelain s'était lié à Colbert, qu'il avait connu chez Mazarin. Par la protection du cardinal, puis du ministre, il est promu poète officiel pour avoir donné en 1660, c'est un poète de circonstance, vous l'avez compris, une ode à Mazarin sur la paix, ainsi qu'une ode sur le mariage du roi. Ce n'était pas là le titre auquel il aspirait, lui qui s'était voulu en fait un nouvel Homère avec sa grande épopée nationale de la Pucelle, donc de 1656. S'il se pique de littérature, Chapelain manifeste aussi un goût très vif pour les sciences. Il a lu les traités de Descartes, il a fréquenté Gassendi, il est lié d'amitié avec les plus illustres savants du temps, il suit leurs travaux, il se mêle à leurs discussions. Il a comme cela entretenu des rapports courtois avec Mersenne, a été un membre actif de l'Académie de Montmort, il s'est intéressé à toutes les expérimentations et Huygens est pour lui un nouvel Archimède. Il s'entretient avec Huygens des découvertes de Pascal, des expériences d'Ozou, des découvertes de Cassini, de la dioptrique de Descartes, des anneaux de Saturne, des parélis, des horloges marines, de tout type de sujets, vous voyez. Et à l'en croire, il aurait même décidé, Huygens, à présenter sa théorie sur les anneaux de Saturne, d'abord à l'Académie de Montmort, face à un public sceptique. Saturne, on avait observé Saturne, on ne savait pas comment interpréter les différentes formes de Saturne, et quand Huygens a élaboré sa théorie des anneaux, Chapelain estimait que le public n'était pas prêt à la recevoir. Donc, il s'est appliqué à préparer le public et à suggérer à Huygens de présenter cette théorie des anneaux de Saturne d'abord à l'Académie de Montmort, face à un public sceptique puis impressionné. Et il a fait montre, dans cette circonstance-là, d'un sens de la communication scientifique dont cette correspondance avec Hévélius offre aussi d'autres exemples. Alors Chapelain possédait aussi des livres d'astronomie, il avait un télescope, il se montrait curieux de médecine, d'anatomie, de géographie. Et il a tenu, si vous voulez, au centre d'un groupe de savants parisiens, le rôle de correspondant et d'informateur dans les années 1650-1660. Comme tout homme puissant, proche du pouvoir, Chapelain a eu nombre d'ennemis qui, vous l'avez vu, ne l'ont pas épargné. Le fait d'avoir rédigé les sentiments de l'Académie sur le Cid en 1637 en ont fait le responsable, en fait, de la condamnation de Corneille. Mais il est des amis qui l'ont aussi défendu. Gassendi disait de lui, je le cite, « Il est aimé de tous les gens de bien, c'est le plus officieux de tous les hommes, Il n'est pas possible de trouver un meilleur ami, j'en dirais davantage si je n'étais pas le sien. Et on trouve dans la correspondance avec Hevelius nombre de passages qui illustrent son extrême courtoisie, son sens de l'amitié et son amour aussi des éloges. Hevelius le loue à maintes reprises pour sa fidélité et lui accorde une confiance aveugle. Alors, tout d'abord, je vous ai dit que Chapelain était un homme au service du pouvoir. Chapelain, en effet, a présidé à la création, le 3 février 1663, de la Petite Académie, qui était une sorte de comité consultatif dont les membres étaient tenus au secret, à qui le ministre confiait le soin de la gloire du roi. Chapelain avait proposé Charles Perrault. Alors là, une petite incise, je vous ai mis le portrait de Charles Perrault, contrôleur général, gravé par Baudet d'après Charles Lebrun. Je vous signale, je n'ai pas pu résister à la tentation, qu'après-demain va être vendu aux enchères ce magnifique pastel de Lebrun. Le tableau de Lebrun a disparu et ce pastel qui vient à être vendu après-demain, était dans la possession de Charles Perrault lui-même. Et le tableau donc, de Lebrun a disparu, on n'a plus que le pastel et la gravure donc, gravée par Baudet. Et nous sommes allés voir avec Mathieu le portrait de Perrault qui est dans les réserves du château de Versailles. Il est de l'allemand, ce n'est pas le portrait donc, de Lebrun. Voici, je tenais à vous montrer ce dessin en espérant qu'une collection publique française en fera l'acquisition. Votre pastel, pardon. Donc, il a proposé Charles Perrault comme secrétaire. Mais il reste le personnage clé et le véritable porte-parole du ministre. Il donne le ton à cette petite société en composant des éloges du roi, le poème sur le traité par lequel le roi a recouvert Dunkerque en 1662, un morceau sur la prise de Marsal, un discours aujourd'hui perdu sur l'affection que le roi témoigne pour les lettres, ou encore le discours pour bien écrire l'histoire du roi qui sont mentionnés dans le catalogue de sa bibliothèque, dont on dispose, pas la bibliothèque, le catalogue. Il avait le projet de publier un recueil des éloges du roi pour témoigner de la vertu héroïque de Louis qui devait inspirer, pensait-il, aux poètes les meilleurs de leur champ. Bien entendu, il soumettait à Colbert ses vers comme ses idées. Alors Chapelain va jouer un rôle prépondérant, non seulement dans la petite académie, future académie des inscriptions et médailles, puis des inscriptions et belles-lettres, tout comme, il a joué un rôle important à l'Académie française à ses débuts, et il passait dans les premières années du règne de Louis XIV avec raison pour, en fait, le porte-parole de Colbert. Voyons la campagne des gratifications. L'idée des gratifications royales venait de Colbert qui chargea Chapelain d'élaborer la liste des heureux bénéficiaires. Dans une lettre à Colbert du 18 novembre 1662, Chapelain propose de dresser une liste des écrivains les plus renommés, français ou étrangers, en prose ou en vers, en français ou en latin. Alors je précise que ce qu'on appelle la République des lettres concerne aussi bien les lettres qu'aujourd'hui le domaine des sciences, y compris des mathématiques. On parlait de la République des lettres de manière générique. Donc quand il parle des hommes de lettres, il y a aussi des scientifiques dans cette liste. Dans le mémoire sur quelques gens de lettres vivant en 1662, donc dressé par ordre de M. Colbert, composé fin novembre ou début décembre 1662, on trouve 90 notices à l'usage du ministre. Et pour n'être pas oublié dans la campagne des gratifications, Chapelain y a joint la sienne, ce qui nous vaut cet autoportrait. Donc il parle de lui à la troisième personne, un peu comme César parlait de lui-même. C'est un homme qui fait une profession exacte d'aimer la vertu sans intérêt. Il a été nourri jeune dans les langues et la lecture, ce qui, joint à l'usage du monde, lui a donné assez de lumière des choses pour l'avoir fait regarder des cardinaux Richelieu et Mazarin comme propres à servir dans les négociations étrangères. Mais son génie modéré s'est contenté de ce favorable jugement et s'est renfermé dans le dessin du poème épique qui occupe sa vie et qui est tantôt à sa fin. On le croit assez fort sur les matières de langue et on passe volontiers par son avis pour la manière dont il se faut prendre à former le plan d'un ouvrage d'esprit, de quelque nature qu'il soit, ayant fait étude sur tous les genres et son caractère étant plutôt judicieux que spirituel. Il est surtout candide et, comme il appuie toujours de son suffrage ce qui est véritablement bon, son courage et sa sincérité ne lui permettent jamais d'avoir de la complaisance pour ce qui ne l'est pas. S'il était moins attaché à son poème, il ne ferait peut-être pas mal l'histoire de laquelle il sait assez bien les conditions. Nous n'avons hélas pas d'œuvre historique de Chaplin. Si l'idée de la liste des gratifications était de Colbert, celle de désigner des étrangers revient, semble-t-il, à Chaplin. Dans sa lettre à Colbert du 18 novembre 1662, il explique que récompenser des étrangers est le meilleur moyen d'assurer la gloire du roi au-delà des frontières. Je le cite, « Je ne laisserai pas, monsieur, de vous proposer à la première vue tous ceux de ma connaissance qui ont le plus de nom en ce métier et d'en examiner les qualités avec vous, tant pour la poésie que pour la prose française et latine, soit de notre monde, soit des étrangers. Vous prendrez vos mesures sur mes relations sincères et jugerez d'eux et de moi souverainement. » Colbert va donc charger Chaplin d'une enquête préliminaire. Chaplin va consulter Heinsius, qui était alors résident des États de Hollande à Stockholm, c'est-à-dire le représentant d'un des peuples les plus influents d'Europe, la Hollande, dans la cour peut-être la plus cultivée d'alors, celle de la reine Christine. Heinsius ne fut consulté, je précise, que sur les correspondants du Nord, car Chaplin connaissait assez l'Italie et le Sud de l'Europe pour faire ses choix lui-même. Comme à l'accoutumée, Chaplin prépare l'opinion. Et une fois l'opinion préparée, les premières gratifications furent rendues publiques en juin 1663, mais ne figurent avec leur date de paiement que sur les états de 1664. On y trouve, au titre des étrangers, 9 noms, ainsi notés dans le registre. Viliotto, savoyard, bien versé dans la médecine et les humanités, pour 600 livres. Graziani, bien versé dans les belles-lettres et qui excelle dans la poésie italienne, 1500 livres. Conrigus, allemand, fameux professeur en histoire dans l'académie italienne de Helmstadt, 900 livres. Evelius, qui nous intéresse, flamand, sic. Il y a beaucoup d'Hollandais à Danzig, mais enfin, quand même. Flamand, consul vétéran de la ville de Danzig, savant de l'astronomie, 1200 livres. Beuclerus, bien versé dans l'histoire et les humanités, 900 livres. Huygens, hollandais, grand mathématicien, inventeur de l'horloge et de la pendule, 1200 livres. Gevartius, flamand, naguère secrétaire de la ville d'Anvers, en considération de sa profonde érudition, 1200 livres. Heinsius, hollandais, grand poète et orateur latin, 1200 livres. Et enfin Vossius, hollandais, excellent dans la géographie, 1200 livres. Alors, dans cette première liste, on ne compte que deux hommes de science, Huygens et Hevelius, deux gloires européennes. S'y ajoute en 1665, je reviendrai sur son cas, Viviani, le disciple et l'héritier de Galilée, et très brièvement, Cassini. Cassini, en fait, aura d'autres fonctions. D'ailleurs, Huygens aussi ne va pas émarger aux gratifications longtemps, parce qu'ils vont avoir des pensions beaucoup plus élevées et un autre titre. Pour 1665, on retrouve une gratification de 1200 livres donnée, je cite, au sieur Hevelius, grand astrologue, par gratification et pour lui donner des marques de l'estime que sa majesté a fait de son mérite. Et la même année, 1500 livres au sieur Huygens, hollandais, grand mathématicien, par gratification. Alors, le choix de Huygens s'explique logiquement, puisque Chaplin l'avait rencontré à Paris au cours de l'été 1655 et qu'il avait justement fait découvrir ses travaux sur l'anneau de Saturne, les anneaux de Saturne. En revanche, Chaplin ne connaissait pas Hevelius, sinon par un disciple de Gassendi qui était François Bernier. Sans doute Ismaël Bouliot, en relation avec l'astronome depuis 1649, a-t-il joué les intermédiaires, espérant lui aussi au passage bénéficier d'une gratification, ce qui n'a pas été le cas. Les lettres échangées entre Chaplin et Heinsius, en tout cas, ne mentionnent pas Hevelius. Alors, si vous regardez ce tableau, vous voyez qu'il y a 18 étrangers gratifiés entre 1663 et 1672. À titre de commentaire, je vous dirais qu'ils n'ont pas seulement été choisis pour leur savoir, mais aussi pour leur influence. Plusieurs, en effet, exercent des fonctions publiques. Heinsius est résident de Hollande, en Suède. Vossius et Gewerz sont des historiographes patentés. Graziani est le secrétaire des commandements du duc de Modène. Reinesius, le conseiller de l'électeur de Saxe-Altenbourg et Coring de son Altesse Auguste de Brunswick. Hevelius a été bourgmestre de la vieille ville de Danzig. Et en 1664, il est même consul. Et quant à Beuclerc, il est historiographe de la reine Christine. La nationalité, en outre, est un critère important dans ses choix. Chapelain s'en est ouvert à Colbert, je le cite. « Florence est l'état de toute l'Italie où les lettres, aussi bien que la langue, fleurissent avec le plus d'éclat, de même que la Hollande du côté du Nord. » Et qu'ayant choisi 3 ou 4 Hollandais pour les gratifier dans la vue de faire plus de bruit de la gloire du roi en ces pays septentrionaux, s'il y a un lieu au-delà des monts où l'on puisse attendre le même effet pour les provinces méridionales, c'est Florence et Pise, préférablement à tous les autres. Les faveurs, vous le voyez, sont soigneusement réparties, non pas selon les services rendus à la science, mais en fonction de ce que la politique française est en droit d'en attendre. Encore fallait-il appartenir à un pays qui pût donner quelques retentissements à la flatterie. Chapelain et Colbert calculaient savamment pour ménager les susceptibilités nationales et susciter l'émulation. Des Hollandais donc, des Allemands, des Italiens. Pas un Anglais, pas un Espagnol. Pour l'Espagne, inutile de gagner ce que l'on veut frapper. Pour l'Angleterre, le roi et les ministres et le Parlement coûtaient assez cher à la France. En revanche, la Hollande commençait à se détacher de la France dans ces années-là. Ce petit pays était grand par son énergie et son activité et jouait l'un des premiers rôles dans la politique européenne. Et notamment dans la Baltique, n'oubliez pas que Colbert veut construire une marine, et qu'il a besoin d'approvisionnement de la Baltique. Les gratifications donc en Hollande y sont nombreuses pour honorer les grands hommes et du même coup y attacher aux intérêts du roi, les maîtres de l'opinion. Hevelius, d'ailleurs, est d'abord considéré comme flamand, comprenons hollandais, installé dans ce grand port de la Baltique où ils étaient très nombreux. Peuple sans unité, l'Allemagne et l'Italie sont depuis un demi-siècle les terrains où la diplomatie française a remporté le plus de victoires. Le secrétariat d'État aux affaires étrangères y entretient des résidents dans les moindres capitales. Les gratifications sont donc d'abord un instrument politique. Aussi n'est-il pas étonnant de voir Colbert mettre un soin particulier à payer les étrangers, avant même les Français. L'envoi des lettres de change se fait pour l'étranger dans les derniers jours de l'année de l'échéance ou dans les premiers mois de l'année suivante, du moins jusqu'en 1670. Alors, certains gouvernements un peu ombrageux désapprouvent ces gratifications. Au plus fort de l'affaire des Corses, le pape, au plus mal avec le roi, défend à son bibliothécaire, Léo Allasius, d'accepter de l'argent français. Dans les Pays-Bas espagnols, le marquis de Castel-Rodrigo suit l'exemple du pape. Il accable de reproches violents Gevers, historiographe de l'empereur, d'avoir accepté de l'argent du roi de France. Avec plus de diplomatie, les Hollandais manifestent une égale défiance. Heinsius ne se considérait pas personnellement en droit de recevoir de l'argent étranger sans l'autorisation de messieurs les États, qui ne répondirent pas. L'empereur, qui n'avait pas la même autorité, s'en tira en faisant à l'historien Beckler la même libéralité que le roi de France. Pour effacer l'effet fâcheux de ses premiers refus, Chapelain va donc chercher des cours sûres, comme celle de Florence, liée à la maison de France. Chapelain va ainsi faire gratifier Viviani, nous y reviendrons, et la cour et tout le grand-duché se déclarèrent honorés en la personne de leur savant, et le grand-duc remit en personne les lettres du roi de France à Viviani avec, je le cite, les témoignages d'admiration de la munificence royale. À Gdansk ou Danzig, ville hanséatique, fière de ses institutions, Hevelius n'a pas eu ses problèmes. Sauf grave crise, le roi de Pologne n'intervenait pas dans les affaires propres de la ville. Alors, dans ses lettres, Chapelain, parce que Chapelain nourrit une vaste correspondance avec ses différents gratifiés, Chapelain se présente toujours comme l'unique source des bienfaits. Il écrit « Vous m'êtes venu dans l'esprit entre les premiers et j'ai senti une extrême joie de pouvoir rendre efficacement ce témoignage à votre vertu », écrit-il à Hevelius le 28 juin 1663. Il définit en ces termes son rôle auprès de Conring, auprès de Colbert à Congrigne. Sa Majesté, ayant résolu d'honorer de ses grâces les personnes éminentes en savoir de quelque nation qu'elles fussent, sur l'ouverture que lui en fit M. Colbert, ministre d'État et général intendant de ses finances, je fus consulté par cet excellent homme sur ceux que je croyais dignes de sa recommandation, se confiant en ma sincérité et ne m'estimant pas tout à fait mauvais juge. Je lui en fis, monsieur, un dénombrement fort ample, lui expliquant les talents des Français, des Italiens, des Espagnols, des Allemands, des Anglais, des Hollandais, des Polonais. Et entre tous, je vous avoue que je n'appuyais sur aucun davantage que sur vous. Oui, l'art de la flatterie, là, il parle à Connerig. Évidemment, à chaque interlocuteur, il dit la même chose. Il se présente comme une sorte de ministre des libéralités royales à Viliotto. Je le cite. « Puisque vous désirez savoir ma condition et à quel titre je vous ai écrit en vous envoyant la gratification que M. Colbert vous a encore procurée cette année auprès du roi, je vous dirai que je suis conseiller d'État et que Sa Majesté m'a chargé du soin des libéralités qu'elle a faites jusqu'ici par une magnanimité sans exemple aux gens de lettres qui sont répandus par toute l'Europe, comme elle m'a fait l'honneur de me croire de leur mérite et de vouloir que je les lui fisse connaître pour les encourager, par ses bienfaits, à cultiver les sciences et à être utile au public par leurs travaux. » Alors, en 1662-1663, Chapelain a eu une très grande part dans les nominations initiales et ses conseils furent très écoutés. 80% des gratifiés de 1664, soit 36 sur 46, là vous n'avez que les étrangers, avaient été en fait recommandés par les soins de Chapelain. Si après 1664, les gratifications françaises lui ont échappé, et si après 1665, il n'a eu qu'assez rarement l'occasion d'exercer sur les Français une autorité effective, il a toujours gardé la haute main sur la correspondance avec les étrangers. Et dans son testament, il déclara que son témoignage seul avait eu le bonheur de procurer les bienfaits du roi aux étrangers. Colbert n'accorda aucune gratification sans lui demander un avis motivé. Le nombre des gratifiés étrangers était de 9 en 1664, vous l'avez ici sur le tableau. Le maximum est de 14 en 1666 et 1667. En fait, en 1671, à la veille de la guerre de Hollande, Heinsius est rayé de la liste. En 1672-1673, tous les Hollandais sont à leur tour éliminés. Le système se délite. On ne compte plus que 6 étrangers, Hevelius, Conring et Graziani, qui restent les seuls gratifiés de la liste initiale. En 1674, les derniers noms disparaissent. Le déclin des gratifications étrangères a commencé vers le temps où se ralentit en fait la correspondance Chapelain-Colbert. Chapelain est déjà âgé, il est diminué au début des années 1670 et il va s'affaiblir rapidement. Charles Perrault, donc si vous voulez encore voir ce magnifique... Charles Perrault, qui l'a remplacé auprès de Colbert, n'a pas la même passion épistolaire. La fréquence des lettres échangées va donc décliner après 1672 et le système des gratifications est abandonné avec la guerre de Hollande entre 1672 et 1678. Chapelain décède le 22 février 1674 et peu après disparaissent les gratifications auxquelles il avait tant travaillé. Alors, quel est le coût de ces gratifications? Coût d'abord pour la France et coût après pour les personnes qui les reçoivent. Les premières années du règne sont accompagnées d'une ample campagne diplomatique dont la correspondance avec les gratifiés fut l'un des éléments. Et ce qui est intéressant dans le cadre d'Hevelius, c'est que nous avons non seulement la correspondance de Chapelain, mais nous avons aussi les réponses d'Hevelius, c'est-à-dire nous avons toutes les négociations pour obtenir le maintien d'une gratification. Ainsi que le remarquait Georges Colas, je cite, « C'était bel et bien un instrument politique entre les mains de Colbert que cet argent français distribué à l'étranger. » En 1666, les bâtiments du roi frappèrent une médaille pour célébrer la libéralité du roi que vous avez là sur le PowerPoint. Qu'a représenté cet effort pour le royaume de France? En peu de mots, peu de choses. Le budget total du mécénat sur 2 décennies représente 1 700 000 livres et pour Robert Mandrou, c'était habile politique et argent bien placé. Je le cite, pendant la première période, c'est 95 000 livres sur un budget moyen, je vous ai mis toutes les statistiques, je les ai recalculées, sur un budget moyen dépassant 78 millions ne représente que 0,12%. À supposer que les cadeaux, les dons mal comptabilisés doublent cette somme, le pourcentage s'élèverait à 0,24%. Pendant la seconde période, 1674-1683, les dépenses royales ont dépassé le seuil de 100 millions de livres et les gratifications sont tombées à 60 000 livres. Le pourcentage devient dérisoire, 0,05%. Les distributions annuelles définissent l'effort pour s'attacher les écrivains en vue, les détourner des protecteurs privés, les inciter à produire des œuvres de qualité qui fassent honneur au règne. Ce mécénat royal a fasciné Voltaire, il a été démesurément loué à sa suite. Alors si l'on retire les gratifications exceptionnelles de Huygens en 1667, 6 000 livres, et de Cassini en 1668, 6 000 plus 3 000 livres, il est clair que l'effort le plus important est fourni à la veille de la guerre de dévolution. En 1665, avec un total pour les étrangers de 16 200 livres et la même somme en 1666. Puis les montants vont descendre à 11 000 livres en 1669-70 avant de chuter, avec le nombre des gratifiés d'ailleurs. En pourcentage et par rapport à l'ensemble des gratifications, les dépenses pour les étrangers passent de 12% à 19% en 1664 et 65, puis retombent à 10-11% par rapport à l'ensemble des gratifications. La guerre de dévolution va donc marquer l'apogée de cet effort. Les gratifiés n'ont pas tous répondu aux attentes de Chapelain et de Colbert, loin s'en faut, nous y reviendrons. À la différence des Allemands, les Hollandais et les Italiens sont restés muets. La paix d'Aix-la-Chapelle va en fait sonner le glas des faveurs en même temps que les bâtiments du roi s'engageaient dans les très grosses dépenses de Versailles. Nous sommes ici, donc il convient de le rappeler. Alors, quelles en furent les retombées pour la gloire du roi, puisqu'il s'agissait de travailler pour la gloire du roi? Je vais prendre d'abord un exemple, Vincenzo Viviani, donc à Florence, en Italie. Né en 1622, Viviani vint tenir compagnie à Galilée, exilé en 1639, et passa à ses côtés les dernières années de sa vie, envisageant la publication d'un ouvrage sur les Loci solidi, en fait des sections coniques d'Aristée et d'Apollonios de Perga. Il avait aussi commencé à rédiger une vie de Galilée. En 1664, il reçut une pension du roi. En effet, ce disciple de Galilée avait promis d'écrire une vie de son maître et d'en faire hommage au roi de France. Alors, il y a des sources un peu variées et je jouerai sur l'opposition entre, d'une part, le discours de Chapelain et de Colbert, qui est assez cru, nous le verrons, et puis la manière dont Fontenelle, dans l'éloge académique, a lissé un peu tout cela. Mais, en fait, Viviani ne va pas écrire la vie de Galilée promise, et comme Fontenelle le relate dans son éloge, il fut sans cesse détourné de cet ouvrage par d'autres travaux, d'autres problèmes, d'autres missions, tant et si bien que Chapelain ne voyait rien venir. Dûment rappelé à l'ordre, Viviani promit, en attendant la dite vie qu'il n'écrivait pas, d'offrir un buste en bronze du savant. Chapelain annonce à Colbert le 4 décembre 1666 à propos de Viviani, je le cite: « Depuis, il m'est venu un paquet de M. Viviani, l'un de vos gratifiés de Florence, avec une proposition qui marque bien sa reconnaissance et qui ne peut partir que d'un cœur bien dévoué au service et à la gloire de Sa Majesté. Après 25 ans d'emploi en qualité de mathématicien et d'ingénieur de Son Altesse de Toscane, usé de travail et n'osant espérer de soulagement, il se trouve tout à coup avoir l'obligation d'en être déchargé par son prince, à l'exemple de la magnanimité du roi, et d'être désormais en état de travailler en repos aux ouvrages que ses occupations lui avaient fait suspendre. Sur ce fondement, Monseigneur, il en destine la plus considérable partie à l'honneur de Sa Majesté, lorsqu'il y aura mis la dernière main. Et pour ce qu'il croit pouvoir plutôt faire réussir, est la vie du fameux Galilée, dont il était le disciple favori, pour laquelle il a un recueil très considérable de mémoires qu'il n'a plus qu'à digérer et à ordonner. Il me consulte pour savoir si je croirais que l'offrande en fut agréable à Sa Majesté, jointe principalement à un buste de bronze qu'il fait jeter de la tête du même Galilée tiré au naturel de son vivant sur lui. Voilà, pour remercier de la gratification. Le 3 janvier 1670, Chapelain, ne voyant rien venir, lui adresse une sommation, lui demandant sans détour s'il prenait Colbert et lui-même, je le cite, pour des grues. À titre de représailles, la gratification de Viviani est passée de 1200 livres à 900 livres. Elle fut à nouveau portée à 1200 livres en 1672 après de nouvelles promesses honorées longtemps après la suppression des gratifications. Alors, ladite vie de Galilée n'a jamais été publiée du vivant de Chapelain, ni de Colbert, ni d'ailleurs de Louis XIV, et le buste de bronze ne parvint probablement non plus jamais à destination. En fait, Viviani en fit placer un au-dessus de la porte de son palais, dont la décoration honore les libéralités de Louis XIV. Fontenelle relate que Viviani, se sentant de grandes obligations envers Chapelain, lui dédia à titre posthume son Enodatio Problemarum, etc., de 1677, expliquant dans son épître dédicatoire « aimer mieux, je cite, risquer une chose nouvelle et bizarre en apparence que de manquer à l'amitié, et qu'au lieu d'enfermer des dons et des offrandes dans le tombeau de M. Chapelain, il les répand dans l'univers où sa gloire a tant éclaté. » Alors, s'il ne publia pas la vie de Galilée, ni n'offrit au roi son buste, quand il fut reçu correspondant de l'Académie royale des sciences en 1699, il dédicaça au roi son De Locis Solidis, auquel il travaillait depuis sa jeunesse, en 1701. Et surtout, il va célébrer Louis XIV sur la façade du palais qu'il bâtit pour sa propre gloire, mais qui est un monument véritablement de vanité que vous pouvez encore admirer à Florence, laissant par les inscriptions qui décorent la façade, laissant croire aux chalands que Louis XIV avait lui-même financé ce palais, alors qu'en tout et pour tout, au maximum, il a versé 10 500 livres, non intégralement versé d'ailleurs, à Viviani, ce qui ne représente peut-être le coût de quelques sculptures sur la façade, mais guère plus. Alors, en plus, il a fait, vous avez là la gravure à côté, graver la façade pour mieux diffuser, non pas le bruit de la gloire de Louis XIV, mais le bruit de sa propre gloire, montrer comment, justement, il était tellement connu que Louis XIV lui avait offert un véritable palais. Alors, Fontenelle en présente une version. Alors, ceci dit, effectivement, ça fonctionne, hein, parce qu'aujourd'hui, quand on lit ça, on croit que Louis XIV lui a offert ce palais à un savant. Ce qui n'était pas le cas, en fait. Alors, Fontenelle présente une version plus diplomatique de l'affaire dans son éloge. Je le cite, l'éloge académique. De la pension qu'il recevait de Sa Majesté, il en avait acheté à Florence une maison qu'il avait fait rebâtir sur un dessin très agréable et aussi magnifique qu'il pouvait convenir à un particulier. Cette maison s'appelle Aedes a Deo Datae et porte ce titre sur son frontispice, allusion heureuse au premier nom qu'on a donné au roi et à la manière dont elle a été acquise. Une reconnaissance ingénieuse et difficile à contenter n'a pu rien imaginer de plus nouveau et de plus noble qu'un pareil monument. Monsieur Viviani, si digne par son savoir et par ses talents de recevoir les bienfaits du roi, s'en rendait encore plus digne par l'usage qu'il en faisait après les avoir reçus. Galilée n'a pas été oublié dans le plan de cette maison, son buste est sur la porte et son éloge, ou plutôt toute l'histoire de sa vie, dans les places ménagées exprès, et M. Viviani, pour répandre dans le monde un monument qui, de lui-même, n'était que durable, en a fait faire des estampes qu'il a mises à la fin de sa divination sur Aristée. Donc, finalement, l'investissement de Chapelain et de Colbert, comme vous le voyez, peut toujours être aujourd'hui apprécié. Alors, je suis là quand même pour vous parler non pas de Viviani, mais d'Evelius. Et Evelius, donc le correspondant gratifié en Pologne. La correspondance dont nous disposons s'ouvre en 1663 sur une lettre de Chapelain qui annonce l'envoi de la première gratification. Evelius est un riche bourgeois de Gdansk, à la tête de plusieurs brasseries, c'est un brasseur, et il est alors l'un des astronomes européens les plus connus. Dans les années 1640, l'observatoire qu'il a installé sur les terrasses de trois maisons jointives est l'un des plus performants d'Europe. En 1647, on lui doit, donc là vous l'avez relativement jeune, là vous l'avez dans ses dernières publications plus âgées, et voici l'observatoire donc qu'il avait installé en arasant les toits de trois maisons pour faire une grande terrasse sur laquelle il avait disposé des instruments. Dans les années 1640, c'était véritablement l'un des observatoires les plus performants donc, d'Europe. Il a, depuis son retour, son tour en Europe, son grand tour d'Europe, il a multiplié les observations, ce qui donne lieu en 1647 à la publication du premier atlas lunaire, la Selenographia. Donc vous avez ici la page de titre. Chaque page de titre est aquarellée pour les volumes les plus prestigieux différemment, donc on peut reconnaître l'origine. Et vous avez en cartouche la ville de Gdansk que je vous ai représentée en plus grand. Hevelius va être pensionné en fait de 1664 à 1673 à raison de 1200 livres. Alors quelle somme cela représente-t-il ? À titre de comparaison, les droits d'auteur ont rapporté en moyenne entre 1000 et 2000 livres par an à Corneille, à Racine ou à Molière, et pour ce dernier, avec une moyenne de 2000 livres par an entre 1659 et 1673. Chaque pièce a rapporté à Racine entre 1200 et 1500 livres. Ce n'est donc pas une somme négligeable, mais elle est loin de couvrir les dépenses d'Hevelius. En effet, une seule lunette astronomique peut coûter jusqu'à 500 livres. Et c'est sans compter avec tous les frais. Ainsi, entre 1662 et 1672, Hevelius publie 7 livres. Ce sont des pièces ouvrages in folio, comme la Cometographia. Alors ça, c'est voilà, je vous montre là les planches de l'Atlas lunaire. Donc vous avez les reliefs, ça ce sont les grandes doubles planches. Et puis la Cometographia ici qui est offerte à Colbert. Comme la Cometographia, 1000 pages avec 38 planches gravées, ou la Machina Coelestis qui est offerte à Louis XIV à titre de remerciement pour la gratification, plus de 500 pages pour le tome 1 très généreusement illustré. Il était impossible, en effet, d'offrir au roi de France des ouvrages communs. Aussi, les dépenses s'accumulaient-elles et Hevelius s'en ouvre à Chapelain dans une lettre du 2 avril 1671. « Le premier livre, écrit-il, de ma Machina Coelestis est entre mes mains. Pour le publier plus vite, j'ai fait venir de Hollande un graveur remarquable qui puisse m'aider à graver sur cuivre les figures et les caractères spéciaux. Mais c'est à grands frais qu'il vivra dans ma maison, en plus du gîte et du couvert. » En outre, pour que mon travail tout entier aille plus vite, j'ai fait venir de Leyde, un étudiant de mathématiques, qui n'est pas un novice, pour s'occuper avec moi des corrections typographiques, des descriptions et de certains calculs plus faciles. De sorte que, dans les prochaines années, s'il plaît à Dieu très haut, avec l'observateur et 6 ou 7 typographes que je devrais payer jusqu'au bout, sans parler des autres artisans comme les peintres, les constructeurs d'automates, les forgerons, les charpentiers, les menuisiers et quantité d'autres de divers genres dont j'utilise le travail presque tous les jours, on peut aisément calculer ce que coûtent des gens qui, comme vous le savez, estiment leur travail à haut prix, sans dire combien il faut payer pour le papier, les instruments, l'appareillage et les autres accessoires, au point que, sans me vanter, même au détriment de ma fortune, je ne néglige rien qui me paraisse pouvoir contribuer à faire avancer et à continuer mes études astronomiques telles qu'elles sont. La composition de l'ouvrage, la Machina Coelestis, occupa les mois de juillet à novembre 1671, avant même l'impression. Le graveur venu de Hollande est Charles de la Haye, qui resta chez l'astronome jusqu'à sa mort. Ces gros in-folios astronomiques coûtaient fort cher. Pour la Machina Coelestis, le tome 2, qui n'est pas celui-là, de 1679, l'impression prit 3 années, du début 1676 à février 1679. Hevelius fit travailler, il avait ses propres presses d'imprimerie, fit travailler 5 imprimeurs les 2 premières années et 3 pendant la dernière. Le volume, 1300 pages, lui a coûté 12 000 florins, qui font approximativement 6 000 thalers, soit à peu près 18 000 livres de France, soit 15 fois le montant annuel de la gratification du roi. De plus, Hevelius se devait d'offrir ses ouvrages à ses correspondants les plus importants, en échange de ses publications, mais aussi à ses protecteurs, en remerciement. Entre 100 et 200 exemplaires étaient ainsi distribués sur des tirages de 500 exemplaires pour la Selenographia ou de 800 à 900 exemplaires pour la Machina Coelestis. Chaque ouvrage, dédicacé à Louis XIV ou à Colbert, lui coûtait 15 exemplaires dont il faisait faire pour le roi, son ministre et les personnages importants de la cour, les reliures à Paris, ce qui, au bas mot, doublait le prix du livre. Ceci sans compter les gravures rehaussées à la gouache, chaque exemplaire étant différent. Hévelius, comme il le disait lui-même, n'avait jamais fait de profit avec ses livres et il n'est jamais rentré dans ses frais. Alors, si l'on ajoute, comme le fait Hévelius dans sa lettre à Chaplin du 2 avril 1671, le coût des instruments, la disproportion s'amplifie. Hévelius a dû financer son observatoire, ses instruments, ses publications essentiellement sur ses deniers. En d'autres termes, la gratification occasionnait des frais, en fait, sans commune mesure avec le montant versé. Elle avait, de fait, une valeur beaucoup plus symbolique qu'économique. La générosité du roi ne se traduisait donc pas par la pluie d'or que vous avez ici représentée, qu'Hévelius se plaisait à figurer dans une vignette de la Machina Coelestis. Du moins, était-il fort courtois et fort poli de le donner à penser. Le remerciement de la part d'Hévelius exigeait bien évidemment l'amplification du bienfait, mais économiquement parlant, ses pensions coûtaient beaucoup plus cher qu'elles ne rapportaient. Alors, qu'attendait-on qu'attendait Colbert, qu'attendait Chaplin des savants gratifiés? Ils en attendaient des remerciements et des dédicaces. Hévelius va s'exécuter, donc il va dédicacer au roi deux ouvrages, la Cometographia de 1668 et la Machina Coelestis de 1673. Dans les deux cas, en fait, la situation s'est avérée pour lui délicate, car le trajet qu'il prête à la comète de 1665 repose sur une observation erronée et que la communauté scientifique va contester en France, où on est à exactement à l'époque de la compétition pour les premières places d'académiciens. La fondation de l'Académie des sciences remonte à 1666. La première réunion est en décembre 1666, mais aussi en Grande-Bretagne, où la Royal Society est appelée en arbitrage. Hévelius en fait partie, est appelé en arbitrage par Hévelius et qui va lui donner tort. De là, le Prodromus Cometicus, dédié à Colbert en 1666. Et pour ce qui est de la Machina Coelestis, il a encore joué de malchance, car ayant fait ses premières observations, ce qu'il appelle oculo nudo, avec les premières lunettes, il conserve les mêmes instruments d'observation, alors que les savants préconisent déjà les premiers télescopes et que Newton va mettre au point son premier télescope en 1667. Aussi, le matériel d'Hévelius va-t-il assez rapidement être dénoncé comme obsolète par des savants qui, en France notamment, exigent du roi les derniers instruments pour le nouvel observatoire de Paris, fondé en 1667 et achevé en 1671. Chaplin et Colbert n'ignoraient pas ces querelles qui suivaient de près l'actualité scientifique, surtout en ces temps de fondation de l'Académie royale des sciences. Aussi peut-on penser, puisque dans les deux cas, Hévelius a offert des ouvrages qui étaient contestés avant même leur publication, aussi peut-on penser que la nature des services attendus était d'un tout autre ordre, puisqu'Hévelius va en fait imperturbablement conserver sa pension. Il ne faut pas perdre de vue qu'Hévelius était un personnage important à Danzig. 10 fois consul, 6 fois prêteur, et ce qui est sûr, c'est qu'il occupa de bonne heure une place importante dans les responsabilités civiques et municipales dans la vieille ville, position renforcée par ses parents et associés qui occupaient de semblables fonctions. Il a été anobli en 1660. Alors certes, on peut dire que la vieille ville est moins importante que la grande ville, mais il fut aussi le porte-parole de la vieille ville au Conseil de la Cité entre 1660 et 1669 et continuellement entre 1679 et 1686. Qu'il n'ait pas souhaité faire carrière politique et prendre une part plus grande dans l'administration de la ville tient au temps que lui prenaient ses études astronomiques. Il n'en fut pas moins un homme influent, hostile à l'agent suédois Koch, à la veille du déluge suédois, au traité hollando-suédois d'Elbag du 10 septembre 1656, qui laissait les mains libres aux Hollandais. Il fut aussi un patriote qui refusa la neutralité favorable aux Suédois de sa cité en 1655 et clama sa loyauté à l'égard du roi de Pologne. De bonne heure, on va le considérer en fait comme lié au parti français. Il entretenait une correspondance régulière avec Pierre Desnoyers, secrétaire au commandement de la reine française Louise-Marie de Gonzague. En décembre 1659, Jean II Casimir et Louise-Marie de Gonzague l'avaient honoré d'une visite. En outre, la pension du roi de France, rendue publique en 1664, une année où il siège comme consul, en faisait l'obligé en fait du roi. Le versement d'une pension n'allait pas sans contrepartie et les dédicaces importaient autant à Colbert que des services beaucoup plus concrets. Cette correspondance est en fait très discrète sur le sujet, mais elle permet de comprendre pourquoi Hevelius continua imperturbablement de recevoir une gratification jusqu'à la suppression de la fameuse liste des gratifiés. Venons-en à l'affaire du traité des droits de la reine. La fidélité d'Hevelius a en effet été mise de bonne heure à l'épreuve. Philippe IV d'Espagne était décédé le 17 septembre 1765. La dot de Marie-Thérèse, sa fille aînée, n'ayant jamais été versée à la France, les renonciations de la reine au trône, de la reine de France au trône d'Espagne, préalable au mariage de l'infante, se trouvaient annulées, comme Mazarin l'avait prévu, et Louis XIV y vit l'occasion de nouvelles conquêtes dans les Pays-Bas espagnols. La correspondance de Chapelain avec les gratifiés étrangers permet de suivre la préparation de l'opinion européenne à la guerre qu'envisageait le roi de France au nom des droits de la reine et nous laisse entrevoir quelques curieux procédés de la diplomatie française. Bon, là, j'ai oublié de vous montrer Hevelius qui se montre à genoux en train d'offrir ses ouvrages à Louis XIV. Je n'ai pas de meilleur cliché du traité des droits de la reine, je suis désolée. Donc, les curieux procédés de la diplomatie française. Des gratifications, en effet, ne se donnaient pas sans contrepartie. Chapelain entretenait l'émulation. Conring, un des gratifiés, va proposer de faire paraître en Allemagne un traité favorable à la thèse française, une idée d'ailleurs probablement suggérée par Chapelain, qui n'ignorait pas que Conring avait auparavant servi les Suédois. Chapelain soumit le projet à Colbert, qui fit rédiger des instructions précises à partir des notes de Mazarin. Et Conring a été ainsi invité à discuter du point de la renonciation. Comme il voulait conserver sa pension et qu'il était assez zélé, il va proposer d'ajouter la question de la dévolution à celle de la renonciation. Et pour plus de publicité, Colbert voulait que cet ouvrage fût imprimé en Allemagne. Chapelain trouvait cela un peu périlleux et à mesure qu'approchait le moment dangereux, le zèle de Conring va se refroidir et les premiers cahiers qui parvinrent régulièrement au début de 1767 s'espacèrent à mesure que progressait la guerre de dévolution. L'ouvrage était en fait inachevé en septembre, alors que les hostilités étaient engagées déjà depuis 4 mois et lorsqu'il fut achevé en décembre, Conring s'est opposé à toute impression en Allemagne et proposé la Hollande. Tant et si bien qu'à force de discuter, l'ouvrage n'était toujours pas imprimé quand la guerre était finie. Chapelain, par ordre, lui signifia que les victoires du roi avaient rendu son ouvrage inutile et qu'on se dispenserait de le publier en Hollande ou ailleurs. Et l'imprudente proposition de Conring n'a donc pas eu de suite. Colbert et Chapelain disposaient en effet du traité des droits de la reine sur divers états de la monarchie d'Espagne, publié au Louvre en 1667 in quarto, là c'est un retirage à Grenoble en 1612, fruit d'une collaboration dont la petite académie a gardé le secret. L'ouvrage était anonyme, attribué à un avocat, Antoine Bilin, dûment relu par Chapelain et Perrault. Pour assurer une bonne diffusion, le traité fut traduit en latin, mais aussi en espagnol et en italien, ce qui donna à Chapelain l'occasion d'apprécier le zèle des gratifiés. Jean-Christophe Wagenseil proposa une nouvelle édition latine du dit traité, qu'il se faisait fort de diffuser de Nuremberg et Beuclair de le faire imprimer à Strasbourg. Vous voyez comment on joue de la concurrence et de l'émulation entre les gratifiés. L'encre d'imprimerie à peine séchée, Chapelain envoie leur lettre aux gratifiés. Par ordre supérieur, une lettre les invitant à envoyer leur avis bien articulé, comme aussi celui de leurs amis habiles auxquels ils voudraient bien communiquer cet écrit. Son tour à tour prié d'approuver le 12 mai Marucelli, le 15 mai Hevelius, le 17 mai Conring, Beuclair, Ferrari, Graziani et le 8 juin Wagenseil. Voilà le mode d'emploi que va recevoir Hevelius le 15 mai. Je vous envoie par ordre supérieur, la justification des droits de la reine très chrétienne, que la reine très chrétienne a sur le Brabant et sur le Hainaut, aussi bien que sur d'autres provinces et places, de ce qui, jusqu'ici, a été possédé en Flandre par le roi d'Espagne, et qui sont les motifs de la marche du roi de France pour aller prendre possession par la douceur, s'il se peut, ou par la force, si les gouverneurs et les peuples la lui refusent. Ce traité a été écrit en français, en latin et en espagnol pour être lu dans toute l'Europe, laquelle sera étonnée en le lisant de la difficulté que le Conseil d'Espagne apporte à faire justice à la reine et à monsieur le dauphin sur des intérêts aussi clairs et aussi légitimes que ceux que le roi de France est obligé de poursuivre en leur nom. Vous en jugerez par vous-même et m'en écrirez, s'il vous plaît, votre avis, comme aussi celui de vos habiles amis auxquels vous pourrez communiquer l'écrit. Durant l'été, Chapelain reçoit les premières réponses. Dans une lettre du 20 juin, il remercie Beauclerc qui a approuvé le traité. Le 22 juin, il fait savoir à l'abbé Maruccelli, trop imprécis, qu'il voudrait d'autres éloges et d'autres appréciations. Certains tardent à répondre. Chapelain feint de penser que le paquet est tombé aux mains de l'ennemi. Il explique sans détour à Colbert, parce qu'il faut qu'il rende compte des dépenses publiques, que la prochaine gratification sera fonction de la réponse que donneront à ce traité, des commentaires que feront de ce traité les gratifiés. Il encourage Beauclerc à persévérer dans son zèle et parallèlement il écrit à Colbert le 20 août que le silence des correspondants doit être dû à une perte des courriers. Il présente au ministre le traducteur en allemand du dit traité, c'est-à-dire un jurisconsulte, Fabien Gustmeyer, choisi, dit-il, par mon induction et par votre aveu. Pour cette dernière édition, je le cite, du traité des droits de la reine sur le Brabant. Et pour l'envoi de la version, nous prendrons toutes les précautions possibles et n'y oublierons rien pour tout faire réussir. L'auteur de ce travail se nomme M. Gustmeyer et est de la duché de Holstein. Sa profession n'est pas moins de jurisprudence que de belles-lettres et il l'a assez montré dans son livre intitulé « Fecialis Germanicus » qu'il publia il y a quelques années, étant dans la suite et dans la secrétairie de l'électeur de Brandebourg. Il est arrêté par la ville de Danzig pour professeur et il se dispose à y aller au commencement de l'année prochaine. Vous le jugerez peut-être, monseigneur, digne de quelque reconnaissance après que nous aurons la certitude que l'ouvrage soit sous la presse en état d'être distribué au-delà du Rhin. Je vous y ai obligé à rien véritablement, mais je lui ai laissé prendre l'espérance que son travail ne lui sera pas infructueux. Effectivement, recevoir une pension une année. Alors, les choses deviennent urgentes parce que Chapelain informe Colbert de la parution au moment où il informe de cette traduction en allemand. C'est l'époque du grand succès de l'ouvrage de François de Paul Isola, Le bouclier d'État. Et Chapelain doit encourager, évidemment, les correspondants à répondre aux arguments de l'ennemi. Alors, je vous précise quand même que quand les réponses venaient trop tardivement, Chapelain disait que il pouvait quand même bien faire, c'est-à-dire il leur expliquait ce qu'ils devaient publiquement tenir comme discours à l'étranger, c'est-à-dire présenter en quelque sorte la guerre de dévolution désormais achevée comme une promenade humanitaire. Et voilà ce qu'il suggérait comme discours à ses interlocuteurs. Je puis au moins vous assurer que la poursuite de cette cause se fait de bonne foi et qu'il n'y a rien dont le roi soit plus persuadé après sa religion que de la justice de ses demandes. Au reste, depuis un mois que sa majesté est entrée dans son héritage, quelques brutales procédés dont use le marquis de Castel-Rodrigo envers elle au milieu de ses progrès, elle garde le sien doux au peuple et sévère à ses soldats, en sorte que le plat pays ne souffre aucune violence et que si l'on enlève une vache, le maître s'en venant plaindre au roi qu'il écoute sans rebut, la recouvre à l'instant où sa valeur et voit châtier en sa présence celui qui la lui avait ravie, d'où s'en suivent des bénédictions et des louanges immortelles. En quelque sorte, cette guerre de dévolution est une promenade humanitaire, vous l'avez compris. Alors, comment Hévélius va-t-il répondre à ces pressantes sollicitations ? La lettre de Chapelain à Hévélius du 7 janvier 1668 nous informe que dans le cas présent, la correspondance fut interrompue. Alors on n'a pas des lettres, il y a des lacunes, mais en fait elle a vraiment été interrompue en fait par Bouliot qui devait confier le paquet à Gustmeyer qui a différé de 9 mois son départ pour Danzig. Et Chapelain va reconstituer tout l'échange. Alors évidemment, Hévélius craint de perdre sa pension, mais ce n'est absolument pas sa faute. Et quand Hévélius va enfin recevoir le traité des rois de la reine avec l'arrivée de Gustmeyer, Chapelain évidemment lui explique quel usage il peut encore en faire dans sa lettre, par exemple du 23 août 1668. Depuis ma lettre écrite et sur le point de la fermer, j'ai reçu celle du 4 août qui m'apprend qu'enfin ces miennes de l'année passée et le manifeste du roi vous avaient été rendues. Vous aurez sans doute admiré la clémence de Sa Majesté, avoir si magnanimement donné la paix aux Espagnols lorsqu'elle était en état de se faire une entière raison par la guerre. Protégez M. Gusmeyer, il a le cœur bien placé et ne fera jamais de honte à ses patrons et ses amis. Alors la paix d'Aix-la-Chapelle a été signée le 2 mai 1668, mais elle n'interrompt pas le zèle de Chapelain. Il ne s'agit plus de préparer l'opinion, mais d'entretenir un mythe, celui du roi pacifique et magnanime, contraint à la guerre pour préserver la paix. Georges Colas écrit « Plus la politique française se fera envahissante, plus Chapelain s'efforcera d'obtenir des gratifiés qu'il multiplie les assurances propres à endormir l'opinion. » Chapelain va donc expliquer à Conring que la paix n'affirme en rien les prétentions du roi sur le Brabant. À Buckler, il demande de calmer les inquiétudes que l'ambition du roi a fait naître en Allemagne. Il charge Wagenseil du même soin. Conring, qui ne veut pas voir sa gratification menacée, va même jusqu'à proposer son concours au roi pour l'élection impériale. La gratification de Conring, portée de 900 livres à 1500 livres en 1671, puis fut quand même ramenée à 900 livres en 1672. Alors Fabien Gusmeyer va donc se rendre à Danzig où Chapelain lui écrit comme secrétaire de la ville de Danzig. Il est alors clairement un agent français, un de ces agents de l'ombre dont nous ne savons pas grand-chose, sinon ce qu'en dit Chapelain à Colbert, à savoir que ce gentilhomme allemand était originaire du duché de Holstein. Et j'ai publié à la suite du livre quelques lettres qui nous restent de cette correspondance avec Gusmeyer. Chapelain va poursuivre l'échange. Nous disposons donc de 11 lettres de Chapelain à Gusmeyer, mais hélas, pas des réponses. À son départ de France, il ne manque pas de recommander chaudement le voyageur à Hévelius, votre nouveau citoyen et mon ami particulier, et Hévelius lui répond qu'il l'aime du fond du cœur. L'échange est particulièrement dense en 1668 et 1669, en relation avec les projets de Colbert de développer le commerce français dans l'Europe du Nord, car Chapelain souhaite réunir le plus d'informations sur ces contrées nordiques. Chapelain va suivre toute l'actualité. Il se fait envoyer des listes d'ouvrages. Il réclame de nouveaux livres. Son intérêt n'est pas uniquement d'ordre géographique et économique, mais aussi politique. Gusmeyer va informer Chapelain de la situation compliquée dans laquelle se trouve la Pologne après l'échec de Louise-Marie de Gonzague et de Jean de Casimir de faire désigner leur héritier de leur vivant. La France avait ses candidats, le duc d'Enghien, fils de Condé, ou Condé lui-même, candidat de la France en avril 1665, auquel Jean Casimir devait céder son trône par une abdication volontaire. Cette candidature française était loin de faire l'unanimité en Pologne. Aussi, Louis XIV l'avait-il abandonnée en juillet 1667, après le décès de la reine Louise-Marie de Gonzague, le 9 mai 1667. Avec l'invasion programmée des Pays-Bas espagnols, Louis XIV avait changé de politique. Il préparait l'isolement de sa conquête pour empêcher l'empereur de voler en fait au secours de l'Espagne. De là, une nouvelle politique d'alliance avec les princes qui gardaient les passages du Rhin, notamment le duc de Neubourg, entré en possession en 1666 des duchés de Berg et de Juliers, et qui mit pour condition à son accord le mariage de sa fille avec le roi de Pologne, veuf. La conclusion rapide de la guerre est claire et du traité d'Aix-la-Chapelle, la préférence des Polonais pour Condé et le soutien apporté par l'empereur à Charles de Lorraine déterminèrent à nouveau la France à mettre en avant Condé pour barrer la route aux candidats autrichiens. Jean Casimir avait abdiqué le 16 septembre à la Diète de Varsovie. La fin de l'année 1668 et les premiers mois de 1669 furent ainsi marqués par toute une série de manœuvres et d'intrigues. Et les premiers mois de 1669 virent notamment s'affronter le parti français qui soutenait Condé et le duc de Neubourg, abandonné par la France, et le candidat de l'empereur Charles de Lorraine. Le duc de Neubourg avait été abandonné, pardon. Gusmeyer s'est rendu à Königsberg avec Hévelius pour une mission manifestement diplomatique. Alors, les lettres échangées à travers les lignes montrent clairement comment Hévelius, en recevant cette gratification, s'est trouvé en fait engagé au service d'intérêts français et fut mis en relation avec des agents qui faisaient en fait du renseignement. Fabien Gusmeyer est l'un d'eux, mais non le seul. Alors en conclusion, je voudrais vous dire simplement que le système des gratifications prit fin comme je vous l'ai dit, avec la guerre de Hollande en 1672-1678. D'ailleurs, les finances françaises n'étaient plus aussi florissantes et les deux dernières campagnes de gratification de 1672 et 1673 ne furent pas versées ni à Hévelius ni à d'autres. Le 28 septembre 1679, un incendie a détruit les maisons et l'observatoire d'Hévelius qui se trouva ruiné et les observations et tables préparées pour les publications futures furent perdues. Hévelius, en appelant donc à la générosité des princes, le roi de Pologne, Jean III Sobieski fut le premier à répondre à l'appel. Colbert, au nom du roi de France, finit par lui accorder une pension de 2000 écus, soit 6000 livres pour une année unique, qu'Hévelius eut d'ailleurs les plus grandes difficultés à se faire verser. Au total, ces savants ne coûtaient pas grand-chose au regard des sommes dépensées pour des princes dont la fidélité s'est souvent révélée douteuse. À titre d'exemple, le grand électeur Frédéric Guillaume reçut 25 000 thalers en janvier 1669, plus 200 000 en mai de la même année. Un traité secret de décembre 1669 stipulait un versement de 100 000 livres à la signature, 100 000 livres 6 mois plus tard, la même somme chaque 10 février jusqu'en 1674 et 120 000 livres par an de 1675 à 1679. Résultat, Frédéric Guillaume prit en 1672 le parti de la Hollande. Une alliance de revers avec la Hongrie coûta en 1676-1677 plus d'un million de livres. Donc en regard de 8 années de gratification à 1200 livres, les 9e et 10e n'ayant pas été versés, soit 9600 livres, même si l'on ajoute les 6000 livres de 1679 versés 2 ans après l'incendie, tout cela représente un investissement tout à fait négligeable. Alors Furetière a défini le mécénat comme, je le cite, l'aide apportée par un grand personnage à des artistes pour les soutenir dans l'exercice de leur art. Il s'agit donc d'une initiative privée qui n'émanait pas de Chapelain, dont l'avarice, je vous l'ai dit en introduction, était légendaire, ni de Colbert, qui ne dépensait que l'argent des bâtiments du roi, ni bien sûr de Louis XIV, parce que mécène n'était que le ministre d'Auguste et qu'un roi ne peut être désigné sous le qualificatif d'un ministre. Plus que de mécénat, il s'agit donc de la mise en place d'un financement public de la recherche en France par l'Académie des sciences, l'Académie royale des sciences, l'Observatoire, pour en rester dans le domaine des sciences. Et pour l'étranger, il s'agit d'un soutien à l'appui, bien sûr, d'une diplomatie ambitieuse, mais qui a laissé des traces durables et dont Voltaire s'est fait l'écho enthousiaste au siècle suivant. Je vous remercie. Voilà, alors si vous avez des questions, je suis prête à répondre à vos questions. Donc, en fait, vous avez là une correspondance qui fait à peu près 126 lettres avec les deux aspects, les deux volets de la correspondance, c'est-à-dire les lettres venant de France et les réponses d'Hévelius, avec tous les conseils de Chapelain qu'il donne à Hévelius pour, par exemple, à un moment donné, Hévelius ne sait pas comment, quels sont les titres de Colbert, alors il demande comment appeler Colbert, quels sont les titres de Colbert en latin, quels sont les titres de Colbert en français, quelle est la meilleure manière de louer Colbert. Donc c'est une correspondance assez nourrie, des lettres souvent assez longues, et qui finalement nous informe de ce que pouvait représenter, non pas pour des raisons économiques, parce que je vous ai dit que sur un plan économique, ce n'était pas très intéressant, mais de ce que pouvait représenter symboliquement l'aide du roi de France pour des savants étrangers. Pas de questions ? Bah, écoutez, je vous remercie.